Voici l'humeur de Guillermo Guy. Ah, si. Voilà. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Cultivé, je sais pas. Parfois ça m'embarrasse, les gens disent Ernesto, il est brillant, érudit, c'est le nouveau Thierry Gilardi. Alors, tu vas voir que dans 2 ans, il aura sa propre émission littéraire sur Fanta TV. Alors, arrêtez, ça suffit, je ne suis pas le porte-parole de ma génération. Un passeur, si vous voulez. Eh bien, ce matin, fort de cette passion pour la littérature, je voudrais vous dire un mot de ce fameux bouquin dont tout le monde parle depuis hier, Mein Kampf. Alors, en allemand, ça veut dire mon combat, et ça raconte l'histoire d'un homme qui manquait un poil de confiance en lui, mais qui a su changer de coupe de cheveux. Non, j'ai déconné. Depuis hier, tout le monde parle de « Je suis l'arbitre masqué », dans lequel un arbitre anonyme balance à mort sous le foot français. Alors forcément, le foot français, ça fait rêver à cause de Giroud ou encore de Noël Le Graët. Pour nos auditeurs zadistes, je rappelle que le football, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours le PSG qui se demande combien de sous il faut pour gagner la Champions League. Combien il faut payer? Combien? Plus. Du coup, le Figaro s'est procuré en exclusivité les quelques bonnes feuilles du livre dans lesquelles l'arbitre masqué, je suis sûr que c'est Joel Kinyou, dénonce les pressions des dirigeants, la mauvaise humeur des entraîneurs, mais aussi 3 joueurs français particulièrement insupportables sur un terrain. Nabil Fekir, Samir Nasri et Atem Ben Arfa. Comme par hasard. C'est pas raciste un peu comme... Comme par hasard. Il y a justement 3 joueurs en France qui sont mal polis et c'est que des Arabes. Et voilà. Je dis rien, mais ça fait 40 ans que enfin, Le Pen... Ce sont des Français d'origine. Exactement. Moi, je dis juste que ça fait 40 ans que la famille Le Pen dénonce et personne ne prend ces gens au sérieux, soit disant parce qu'ils sont blonds et que les blonds sont limités. Mais moi, je crois qu'on l'a enfin sur une preuve irréfutable. Voilà. Prends ça, Harlem Désir. Fekir, Nasri, Ben Arfa. Après, c'est peut-être Le Figaro qui a justement choisi ces bonnes feuilles-là. Va savoir avec le subconscient des journalistes de droite. Mais j'espère quand même pour l'arbitre masqué. Et je suis sûr que c'est Joel Kinyou. J'espère pour lui qu'il y a d'autres scoops plus croustillants dans le bouquin. Parce que s'il s'est dit, je vais écrire un livre où je dis que les arbitres sont insultés sur le terrain, les gens vont halluciner. Si j'ai pas le concours, au moins j'aurai l'interallié. Non, bah, je suis pas certain que ça va fonctionner. Parce que moi, j'ai fait du foot longtemps. Insulter l'arbitre, ça transcende les cultures. Je peux vous dire référé enculé. Je le connais en 9 langues. Je le connais en langue des signes. Référé enculé, moi j'ai vu des taupes le crier. Vraiment, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que sur un terrain, le seul mec qui insulte pas l'arbitre, c'est l'arbitre. Et encore, Tony Chaperon, il s'insulte lui-même. Parce qu'il est vénère, t'as vu? Mais apparemment, dans le livre, il y a pourtant des exemples de gentlemen. L'arbitre masqué cite notamment Falcao et Hugo Lloris. Hugo Lloris, qui aurait dit à l'arbitre avant le match, c'est un plaisir de vous revoir. Putain, Lloris, ceinture noire de Fayot, quoi. Pire que Tom Villa avec Nagui quand il lui dit non, mais ça me dérange pas de travailler gratuitement, monsieur Nagui. Non, c'est vrai. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur l'arbitre. Rends compte, ça me fait penser à la fois où j'avais dit un flic qui allait me mettre un PV. Oh, ce qui C'est une bombe de képi, monsieur l'agent. Ça met tellement vos yeux en valeur, monsieur l'agent. Après, on va l'acheter, ce bouquin, parce que le principe de dénonciation masquée, ça titille, évidemment. Moi, il faudrait que j'écrive « Je suis le chroniqueur masqué », mais c'est déjà le titre des mémoires de Daniel Morin, où il explique comment il a repoussé les limites de la sexualité humaine dans les soirées libertines de l'ancienne Union soviétique. Alors, il y a des diapositives incroyables, tu vois. T'imagines, je suis la présentatrice du JT de France 2 en remplacement masqué. Dans lequel une présentatrice de JT de France 2 en remplacement restée dans l'anonymat parle du rôle de Laurent Delahousse dans l'éviction de David Pujadas. C'était vous Leïla. Mais comment? Non. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? J'ai juste peur de lire, moi, je suis le président du CSA masqué. Je parie qu'il y aura un extrait qui fera autant Christophe Deschavannes, c'était une crème, autant le seul animateur qui était vraiment une raclure, comme par hasard. Allez, bonne émission, les amis. Pourquoi tu m'as montré du doigt?